Bonjour, je suis Laurence Garcia, je suis journaliste et je voulais vous parler de notre série « Ça change tout », le podcast qui explore les bouleversements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques à l'heure du défi climatique. « Ça change tout » donne la parole à des experts et penseurs de tous horizons, comme le climatologue Jean Jouzel, qui nous alerte sur le temps qu'il nous reste pour sauver le monde. « Ça change tout », c'est LE podcast sur la transition énergétique proposé par EDF, à écouter sur toutes les plateformes de podcasts. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le fantôme de l'Opéra. Situé en plein cœur de Paris, l'Opéra Garnier appartient à ces lieux étranges et fascinants que chacun croit connaître sans même y être jamais entré. Palais de la musique, du chant et de la danse, cet édifice majestueux se dresse tel une citadelle que ni le temps ni l'histoire ne semblent pouvoir éroder. Symbole enfin du faste d'une époque, l'Opéra Garnier recèle secrets et mystères qui aujourd'hui ne sont pas tous élucidés. Le plus connu d'entre eux nous transporte à la toute fin du 19e siècle, une époque qu'Affaires sensibles explore rarement, une époque en tout cas, où les coulisses et les couloirs du palais Garnier sont le théâtre d'une série d'accidents inexpliqués. Sur la base de plusieurs témoignages confus, je vous l'accorde, une rumeur va alors se propager. L'opéra serait hanté par une silhouette sombre et masquée. Il n'en faut pas plus pour qu'un journaliste facétieux du nom de Gaston Leroux se saisisse de l'affaire et en écrive un roman au carrefour entre fiction et réalité. Intitulé tout simplement « Le fantôme de l'opéra », cette œuvre littéraire va nourrir avec elle notre inconscient collectif au point qu'aujourd'hui, encore nombreux sont ceux qui demeurent persuadés que la nuit, dans les recoins sombres de l'opéra, vivrait toujours une créature maléfique. Notre invitée aujourd'hui, Martine Kahn, conservatrice générale des bibliothèques et historienne française de l'art, elle prépare deux livres sur cette affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et Retro News, le site de presse de la BNF, préparé aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrer, réalisation Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 5 janvier 1875, Paris rive droite, quartier des banques, des gares et des affaires. Ce soir, une foule dense, venue des quatre coins de la capitale, se presse aux abords des grands boulevards et parmi tous ces gens, portant chapeaux, écharpes et manteaux longs de saison, il y a des riverains, bien sûr, des curieux et tout ce que le Paris compte de commères et autres amateurs de ragots. Face à eux, des pelotons entiers de gardes républicains empêchent l'accès aux façades et aux colonnes resplendissantes d'un grand édifice, l'Opéra. Voilà 15 ans que Paris attendait un monument à la hauteur de sa réputation. Et ce soir, c'est le grand soir, c'est l'inauguration. Preuve de l'importance de l'événement, un nombre incalculable de voitures à cheval viennent déposer ce que la haute société française possède de personnages politiques importants, de bourgeois et de banquiers influents, et enfin d'hommes de lettres reconnus. À chaque passage de calèche, la foule s'interroge et chuchote. Chacun des badauds cherche à apercevoir le visage ou deviner le nom de l'un ou l'une des centaines d'invités à cette soirée hors norme. Et déjà, une première rumeur circule. On manquerait de champagne pour satisfaire tout le monde. À tout juste quelques dizaines de mètres de là, à proximité des grandes marches du parvis de l'opéra, un homme de petite taille, aux cheveux bouclés et à l'épaisse moustache, tente de se frayer un chemin. Au gardien de la paix qui lui barre la route, il brandit son sésame, le carton d'invitation. Cet homme à qui personne presque ne prête attention, c'est Charles Garnier, l'architecte, oui, à qui l'on doit justement les traits et les formes de cet opéra, Garnier. Ironie de l'histoire, les organisateurs lui ont réservé une loge pour ce soir, du moins qu'on puisse faire, mais il devra payer sa place, comme un spectateur ordinaire. Toujours est-il que Garnier est là, et qu'il s'arrête un instant pour admirer la splendeur du lieu. Sur les plans qu'il avait établis dès 1860, l'architecte avait fait le pari d'un décor extérieur éclectique, avec d'imposantes colonnes de marbre, des statues dorées et une coupole spectaculaire. Des particularités qui devaient faire de l'Opéra de Paris un sanctuaire, comme l'explique Charles Garnier lui-même. L'opéra est non seulement le temple du plaisir, c'est aussi et surtout le temple de l'art et d'un art particulier qui parle aux yeux, aux oreilles, au cœur et aux passions. C'est-à-dire qui met en jeu toutes les richesses de l'organisation humaine. Il faut que cette exubérance de sensations se produise dans un milieu favorable et que cette abondance d'impressions qui jaillit du drame lyrique soit encore complétée par l'impression d'abondance qui jaillit de l'architecture. Si la façade attire les regards, l'intérieur de l'édifice est encore plus fascinant. Pour la première fois dans l'histoire d'un opéra, Charles Garnier a tout fait pour que le public soit mis en valeur. Illustration avec la nef du grand escalier, sorte de salle des pas perdus, qui fait office d'antichambre de la salle de spectacle. L'endroit est chargé de dorures, de moulures, de colonnades, le tout éclairé par un grand nombre de lumières. Entouré de balcons sur 4 étages, le grand escalier en marbre blanc et rouge est l'endroit idéal pour se montrer avant le spectacle ou pendant l'entracte, très souvent long d'ailleurs. Ce soir, pour l'inauguration, rencontres imprévues et rendez-vous espérés se succèdent sur les marches. Ici, des hommes de la finance échangent avec ceux de l'industrie. Là, des hommes politiques parlementent avec des ambassadeurs étrangers. Un peu plus loin, un jeune homme fortuné fait la cour à une demoiselle de bonne famille, le tout sous le regard d'un jeune pigiste du journal L'Entracte. Un public d'illustration, une salle resplendissante de diamants, des foyers, des couloirs, des escaliers... Tous étincelants de lumière. Ici des princes, là des généraux, plus loin encore des ministres, dans chaque loge des célébrités. Et bien sûr les femmes, les plus belles, les plus distinguées de Paris, ajoutent le plus gracieux ornement à ce palais féerique qui semble fait pour elles. Ce soir est un moment d'éblouissement et de fascination pour un monument exceptionnel. Et une chose est sûre, toute l'Europe se pressera bientôt pour voir cette merveille qu'est l'Opéra de Paris. Vers 20h, les grandes portes s'ouvrent sur le cœur de l'opéra. Le personnel invite les spectateurs à entrer et prendre place sur les sièges de velours rouge de ce qui est alors la plus grande salle de spectacle du monde. Pour vous donner un ordre d'idée, l'endroit est à ce point immense qu'il pourrait contenir à lui seul l'Arc de Triomphe. Sur 5 étages en effet, des dizaines de balcons et autant de loges ceinturent une grande corbeille réservée au public et un espace dédié à l'orchestre. En toile de fond, un immense rideau rouge recouvre la scène. Au même moment, à quelques mètres sous terre, la 50aine de machinistes de l'opéra attendent les ordres pour actionner leur cabestan, sorte de roue en bois gigantesque capable de soulever presque 1/2 tonne et qui servent à lever les rideaux ou changer les décors. Labyrinthe de couloirs obscurs, de coulisses cachées dans l'ombre et de passages interdits, les entrailles de l'Opéra de Paris sont un lieu où il ne fait pas bon s'aventurer sans guide. Pendant toute la construction du bâtiment, les Parisiens, curieux et intrigués, se sont pressés le soir derrière les barricades en bois pour observer les ouvriers creuser la terre et s'infiltrer dans des galeries d'où ils ne ressortaient qu'au petit matin, le visage noirci comme des mineurs. La rumeur affirmait alors qu'on avait découvert sous l'opéra un lac immense. Eh bien, la rumeur disait presque vrai, figurez-vous. Lorsqu'il a fait creuser les fondations de l'opéra, Charles Garnier a découvert un terrain marécageux où on a dû pomper près de 2000 mètres cubes. L'architecte a fait alors construire une grande cuve afin de stabiliser le sol. Quant à la question de savoir d'où venait cette eau, il s'agirait selon toute vraisemblance d'une nappe phréatique, mais pour autant l'hypothèse la plus séduisante et qui va longtemps perdurer dans les esprits serait celle de l'existence d'une rivière souterraine traversant Paris. Une chose est sûre, parmi les employés de l'opéra, rares sont ceux qui connaissent le chemin pour se rendre au lac. À l'exception de certains, évidemment, comme Daniel, qui élève des poissons dans les cuves sous l'opéra. ...17 km de couloir dans la baraque. C'est le grand pavillon de banlieue. Système ad hoc. Zima. Attention. Alors on n'en voit pas. Peut-être qu'on va en voir s'il y a un jeune. Ça c'est la relève, ça. Et c'est vous le premier qui avait eu l'idée d'élever des poissons, là? Ah bah ma connaissance, oui. Ma connaissance. Alors, on m'en a piqué, ça c'est autre chose. Mais j'ai arrêté les truites parce que ça grossissait très vite. C'est de la truite de sélection, la truite d'élevage, la truite arc-en-ciel. J'en ai qui grossissait 200 grammes par mois. Vous voyez, au bout de 2 ans, ce que ça peut donner. Ah oui. pisciculteur opérette. Il est un peu plus de 20h30 ce mardi 5 janvier lorsque le chef d'orchestre fait son entrée dans la fosse. Quelques instants plus tard, le grand rideau rouge se lève, dévoilant ainsi la scène de l'Opéra de Paris avec ses chanteurs, ses danseurs en costume. Les musiciens démarrent au rythme de l'ouverture de la muette de Portici. Le tout sous le regard amusé du maréchal président Patrice MacMahon, du Lord Maire de Londres, du bourgmestre d'Amsterdam, de l'architecte Charles Garnier et de tous les invités présents dans la salle. Au terme de cette soirée exceptionnelle, chacun repart comme il était arrivé, provoquant dans Paris l'un des premiers embouteillages de voitures à cheval de l'histoire. Dans la presse du lendemain, la soirée d'inauguration de l'opéra s'affiche en une. Et ceux qui ont eu le privilège de participer à cette soirée le font savoir, et fièrement, évidemment. Dans les semaines et les mois qui suivent, l'Opéra de Paris fait sale comble à chacune de ses représentations. Et pourtant, il est bien difficile pour les Parisiennes et les Parisiens d'avoir accès à ce temple de l'art lyrique. D'une part, les prix des billets sont prohibitifs et surtout, les places sont prises d'assaut. Il n'en faut pas plus pour que l'Opéra de Paris prenne la forme, aux yeux d'une grande partie des habitants de la capitale, d'un lieu mystérieux, fascinant et, pourquoi pas, intrigant. C'est donc dans ce contexte que, dans les années qui suivent, l'Opéra de Paris va être, malgré lui, le théâtre d'une série d'événements dramatiques et surtout inexpliqués. Des événements qui vont conduire les habitants de Paris à croire, oui, à croire que le bâtiment est bien hanté. Mercredi 20 mai 1896, à quelques centaines de mètres de là, sur les épaisses marches en marbre du Palais Garnier, comme chaque soir de représentation, plus de 2000 spectateurs se préparent à entrer. À l'affiche ce soir, Hélé, opéra en quatre actes de Victor Alphonse Duvernoy. Une heure plus tard, devant un public conquis, le premier acte touche à sa fin. Sur scène, la cantatrice entonne l'air de « Rien ne me résiste ». Lorsque soudain, un bruit sourd retentit, puis le sol se met subitement à trembler dans un grondement profond avant qu'un nuage de poussière n'envahisse la salle. Sur le moment, le personnel pense à un incendie ou à un attentat anarchiste. L'épais rideau rouge descend et les spectateurs sont évacués à la hâte. Personne ne comprend alors ce qui se passe, mais on entend crier « au feu ». Parmi les journalistes présents dans la salle, le jeune pigiste du journal L'Entracte raconte. Des quatre coins de l'horizon, 12 pompes rouges à vapeur à eau traînaient dans les rues leur sillage de feu pour aboutir à l'opéra. Beaucoup croyaient alors que le grandiose monument allait se transformer en un bûcher dépassant en horreur tout ce qu'avaient produit les incendies passés. Mais en réalité, les combattants du feu étaient surtout là pour dégager des décombres les victimes du terrible accident qui venait de se produire au cœur même de la salle de spectacle de l'opéra. Il faut un bon quart d'heure dans ce chaos pour que les ouvreuses et le personnel de l'opéra réalisent ce qui s'est passé. La fumée ne provient pas seulement d'un incendie. Non. Pour une raison encore inconnue, un contrepoids de plus de 600 kilos a crevé le plafond avant de venir s'écraser sur les premières rangées de la corbeille. Une spectatrice de 56 ans est tuée sur le coup. Dès le lendemain, la presse fait la une de ce fait divers sordide avec des articles au titre accrocheur. Panique à l'opéra ou encore terrible accident mortel hier soir en plein Paris. De son côté, l'enquête ne donne rien. Pour les policiers, c'est un accident, rien de plus. Un câble en acier supportant le lustre de l'opéra serait entré en contact avec des fils électriques, une incandescence se serait produite et l'acier aurait été rongé petit à petit. Le contrepoids du lustre se serait ainsi décroché et serait tombé dans le public. Voilà, une montagne de conditionnels pour une réalité dramatiquement simple, un mort. Un accident, oui. Aussi regrettable et triste soit-il, l'opéra ne peut l'empêcher. Et ce qui est arrivé chez nous aurait pu se produire ailleurs, clame haut et fort le directeur de l'établissement. Mais cette histoire s'ajoute à une autre qui avait fait grand bruit dans la presse de l'époque. Quelques années plus tôt, non loin de là, dans les coulisses de l'opéra de la rue Le Pelletier, des machinistes avaient découvert dans les sous-sols le corps de l'un de leurs collègues, mort. L'individu portait des traces profondes de strangulation, comme s'il s'était pendu avec une corde et que celle-ci avait fini par céder sous son poids. Oui, sauf que la police ne retrouve sur place aucune corde. Le mystère sur cette mort étrange reste entier. Il donne lieu aux spéculations en tout genre. Bien plus tard, dans les années 30, l'Opéra Garnier sera le théâtre d'un nouvel accident. Un enfant de l'école de danse chute du haut d'une galerie. Par miracle, le jeune garçon survit. Mais l'origine de cet incident reste mystérieuse. Dans les cafés, les on-dit et il paraît deviennent légion. Les histoires les plus folles sont colportées. C'est alors que parmi le personnel de l'opéra et les danseurs, on affirme avoir été témoin d'étranges apparitions. Le récit le plus sérieux est celui d'une jeune soprano. La jeune femme d'une trentaine d'années est une personne sans histoire. À la police, elle raconte que les soirs où elle répète, tard, la nuit, à l'opéra, une voix l'appelle et s'immisce en elle lorsqu'elle chante. Bref, elle se dit habitée. Son témoignage sera retranscrit de la manière suivante dans un roman consacré à l'affaire. Je l'ai vu. C'était un homme au visage caché par un masque et vêtu d'une cape noire. Il est d'une prodigieuse maigreur et son habit noir flotte sur une charpente squelettique. Ses yeux sont si profonds qu'on ne distingue pas bien les prunelles immobiles. On ne voit en somme que deux grands trous noirs, comme au crâne des morts. Sa peau, qui est tendue sur l'ossature comme une peau de tambour, n'est point blanche, mais vilainement jaune. Trois ou quatre mèches blondes sur le front font office de chevelure. Bon sang, mais c'est bien sûr, le témoignage de la cantatrice est la preuve qui manquait pour nombre de spéculateurs. Dans la presse remonte alors une vieille histoire. 35 ans plus tôt, en 1873, un violent incendie avait dévoré en pleine nuit l'opéra de la rue Pelletier, situé non loin de là. On dénombrait plusieurs victimes, dont un jeune homme porté disparu. Cet individu, selon la légende, aurait perdu sa femme dans l'incendie et il aurait été lui-même défiguré par les flammes. Il se serait alors réfugié sur le chantier de l'Opéra de Paris, alors en pleine construction. Il aurait aménagé, quelque part dans les sous-sols, un repère, dans lequel il aurait survécu pendant plusieurs années. Inconsolable, il aurait dédié la fin de sa vie à achever l'œuvre qu'il avait composée pour la marche nuptiale de son mariage. Depuis, il entrait les couloirs et les coulisses de l'opéra, et il viendrait s'en prendre à tous ceux qui oseraient venir fouiller. Parmi tous ceux qui vont prendre au sérieux cette histoire, il y a un jeune journaliste de la chronique judiciaire, habitué des palais de justice et qui aime flâner les soirs de représentation près des loges de l'opéra. Un certain Gaston Leroux. Et ce même Leroux va bâtir autour de ses affaires un récit très atypique, empruntant à la fois la réalité historique et la fiction. Un récit intitulé « Le fantôme de l'opéra ». Une œuvre qui va bouleverser la croyance populaire et inscrire dans les esprits l'idée selon laquelle une créature cachée quelque part dans l'opéra serait à l'origine des accidents, des apparitions et de la mort d'un machiniste. Il ne fut plus question, une certaine année, dans l'illustre maison, que d'un fantôme en habit noir qui s'évanouissait aussitôt qu'on l'avait vu. Tout le monde, bien entendu, prétendait l'avoir rencontré. On lui attribuait 1000 tours, les uns cocasses, d'autres criminels. Au mois de septembre 1909, le journal Le Gaulois publie le premier extrait de son nouveau feuilleton dont sont issues les quelques lignes que vous venez d'entendre. Dans les kiosques de Paris, on se presse et on se bat pour découvrir jour après jour la suite de ce récit aussi intrigant qu'inquiétant et dont le titre est évocateur, Le fantôme de l'opéra. L'auteur de ce feuilleton littéraire original, c'est le journaliste Gaston Leroux. Ancien avocat, ancien reporter spécialisé dans les enquêtes criminelles, un fait diversier, dirait-on aujourd'hui, l'homme est fasciné de longue date par le monde du spectacle, qu'il fréquente d'ailleurs avec assiduité et dont il connaît de nombreuses histoires cachées. À bientôt 40 ans, lassé par son travail de journaliste, Leroux tente d'embrasser la carrière de dramaturge. Mais les places sont chères et la mode est apaisée à un tout autre style littéraire. Voilà, une décennie en effet, qu'un auteur britannique, Arthur Conan Doyle, a révolutionné le cadre du récit narratif en y introduisant le style et les traits de l'enquête policière. À chaque fois, son héros, un détective du nom de Sherlock Holmes, doit faire preuve de courage et de témérité pour tenter de démêler le vrai du faux et retrouver le ou les coupables dans de sordides affaires dont la trame se base souvent sur des faits réels mais où le mystère est omniprésent. Leroux va reprendre et adapter à sa manière la formule de ce roman policier, prenant le parti de mélanger le réel et le fantastique. Publié l'année suivante, en 1910, le livre Le fantôme de l'opéra rencontre un grand succès en librairie. Comme dans ses deux précédents récits, Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir, Gaston Leroux reprend les codes du héros, qui s'appuie sur le pragmatisme et la raison, pour résoudre une affaire énigmatique. L'auteur se base avec force détails sur la série d'accidents inexpliqués qui ont frappé l'Opéra de Paris et celui de la rue Lepelletier quelques années plus tôt. Il plonge son lecteur dans une histoire à la frontière entre faits réels, hypothèses jamais élucidées et éléments fictifs provenant de son imaginaire. Sauf qu'à la différence de ses autres livres, dès la première page, Leroux partage avec le lecteur son intime conviction sur cette affaire, fruit, explique-t-il, d'une longue enquête dans les archives des Beaux-Arts et de la police. Le fantôme de l'opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l'a cru longtemps, une inspiration d'artiste, une superstition de directeur, la création falote des cervelles excitées de ces demoiselles du corps de ballet, de leur mère, des ouvreuses, des employés du vestiaire et de la concierge. Oui, il a existé en chair et en os, bien qu'il se donnât toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire d'une ombre. Au XIXe siècle, au milieu des fastes du palais Garnier, Christine, une soprano vedette, est au sommet de sa gloire. Son succès est dû en grande partie à sa voix d'or et au mystérieux conseil qu'elle reçoit de celui qu'elle surnomme son ange. En réalité, un fantôme qui vivrait quelque part dans les souterrains du bâtiment. Ce même fantôme rançonnerait les directeurs de l'opéra depuis son inauguration et surtout, il sèmerait le trouble et provoquerait plusieurs catastrophes si les nouveaux directeurs en question refusaient de se plier à ses volontés. Sous la plume de Gaston Leroux, le personnage du fantôme nommé Eric arbore le costume d'un génie musical au visage hideux qui vit reclus et qui hante l'opéra depuis un accident tragique. Ce que l'on devine dès le début de l'histoire, c'est qu'Eric aime la jeune Christine d'un amour absolu, d'un amour exclusif. Aussi, lorsque cette dernière retrouve son amour d'enfance, un certain Raoul de Chagny, le fantôme décide d'enlever Christine et de l'emprisonner dans son repère, situé dans les sombres profondeurs de l'opéra. Raoul de Chagny, aidé d'un mystérieux personnage nommé le Persan, se lance alors à la recherche de la jeune femme. Le courage et la persévérance de Christine, prête à sacrifier sa vie pour le délivrer, poussent Eric à se repentir. Eric finit par libérer Christine et son amoureux et s'enferme dans sa cachette souterraine de l'opéra. Voilà pour la trame de l'histoire qui mêle des éléments parfaitement vrais à d'autres complètement inventés. Et c'est bien là que se situe le problème, car si la fameuse Christine Daae, personnage principal du roman et la copie conforme de Christine Nilsson, soprano dans la vraie vie, si Eric, le fantôme de Leroux, est une réplique du pianiste défunt de la rue Pelletier, si les accidents décrits dans l'histoire ressemblent à ceux qui ont eu lieu dans la réalité, leur cause et leur interprétation révèlent de la pure fiction. L'un des moments forts du roman se situe au début, lorsque les deux nouveaux directeurs de l'opéra sont avertis par les hommes qui les ont précédés à ce poste que depuis bien longtemps, une ombre tyrannique plane sur la scène et les coulisses du monument. Une sorte de Shining fin 19e. À chaque fois que quelqu'un ose désobéir au désir du fantôme, un événement funeste se produit. Conséquence, lors d'une représentation de Faust, Gaston Leroux écrit que le fantôme aurait surgi et aurait provoqué la panique dans l'opéra. Messieurs les directeurs, je vous avais pourtant prévenu, mais vous avez cru bon de passer outre. Vous occupez ma loge et j'attends toujours ma mensualité. Qu'est-ce que c'est ? Qui a parlé ? Où êtes-vous ? Je suis le fantôme de l'opéra, messieurs les directeurs, votre fantôme. Mais peu importe où je suis, levez plutôt la tête. Et regardez donc le grand lustre ! Si dans la réalité, c'est un contrepoids du grand lustre qui s'écrase dans la foule, dans la version de Gaston Leroux, c'est cette fois le grand lustre lui-même qui s'effondre et tombe sur le public, tuant une spectatrice. Et si dans la réalité toujours, il s'agit d'un accident, le romancier, lui, attribue ce drame au fantôme. Toujours dans ce mélange entre réel et fiction, on trouve l'épisode du suicide du machiniste, narré cette fois de manière beaucoup plus dramatique. Si on a bel et bien retrouvé le corps d'un des employés morts dans les souterrains de l'opéra Pelletier, on n'a jamais mis la main sur la corde qui lui a permis de se pendre, souvenez-vous. Or, dans son roman, Leroux part du principe que la mort du machiniste a lieu à l'opéra Garnier et quelle est la conséquence d'une nouvelle manifestation du fantôme. Joseph Buquet, c'est le nom donné à cet employé par Leroux, aurait découvert, par inadvertance, le chemin qui donne accès à la tanière du fantôme et celui-ci aurait alors décidé de le tuer pour qu'il n'en parle à personne. Une fois son acte criminel accompli, le fantôme sera reparti avec la corde et ferait planer la menace de recommencer. Dans le livre de Leroux, on découvre que l'une des exigences du fantôme est que sa protégée, Christine Daae, obtienne le grand rôle de Marguerite de Faust et se mette à chanter la Carlotta, seule sur scène. Et encore une fois, lorsque les nouveaux directeurs vont refuser d'obtempérer, le fantôme va faire une étrange apparition et venir troubler la vie de l'opéra. Tu vois mes lèvres. Elles ne remuent pas. Ma bouche est fermée. Et cependant, tu entends ma voix. Tu veux l'entendre de près ? De loin ? De près ? De loin ? De près ? De loin ! C'est ainsi que la Carlotta a poussé son fameux. C'est ma voix qui était dans sa gorge. Et ces pauvres directeurs, ils n'ont pas encore compris. Ils étaient dans la loge numéro 5. Ma loge. Et ils ont entendu une voix qui leur disait: regardez la nuit! C'était toujours ma voix. Ma voix qui monte et descend à travers les colonnes creuses de l'opéra. Ma voix qui peut aller partout. Et maintenant, où est-elle, ma voix? Dans la chambre des supplices. Et que dit-elle, ma voix? Malheur à ceux qui viennent se promener dans la chambre des supplices. Le paradoxe de cette histoire, c'est que par la suite, le fantôme de l'opéra, œuvre littéraire fictive, rappelons-le, écrite par un romancier en hommage à l'opéra de Paris, va s'immiscer dans la réalité historique. dans les articles de presse, dans les livres d'histoire et même dans les œuvres documentaires consacrées à l'opéra Garnier, si bien que le fantôme, personnage en tout point fictif, va devenir au fil des décennies un élément appartenant au réel. Apparaît alors le cinéma. À la fin de la Première Guerre mondiale, la notoriété de Gaston Leroux aidant, le livre Le fantôme de l'opéra va quitter Paris pour les États-Unis. Et c'est là que l'histoire va prendre toute son ampleur. En 1925, l'acteur vedette Yon Chaney endosse les habits du fantôme dans l'une des toutes premières superproductions d'Hollywood. Avec l'une des toutes premières scènes en couleur de l'histoire du cinéma. Alors le succès est planétaire. Dès lors, le fantôme de l'opéra s'émancipe du texte de Gaston Leroux, adapté et réadapté dans tous les genres, dans tous les formats. Au total, on compte 21 pièces de théâtre, 7 films, 2 fictions TV et 16 pièces musicales. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la légende du fantôme de l'opéra revient à la une de l'actualité. Lors des représentations théâtrales qui lui sont consacrées, plusieurs événements dramatiques vont se produire. À Broadway, lors d'une représentation de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, l'un des candélabres se brise en plein spectacle. À Toronto, des incidents fréquents laissent un goût amer aux spectateurs. Enfin, à Paris, le 25 septembre, pendant les répétitions qui précèdent la première représentation de la comédie musicale consacrée au fantôme de l'opéra, un incendie ravage la scène. S'agirait-il d'une vengeance des fantômes ? Car telles sont bien les histoires à dormir debout. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le fantôme de l'opéra, dont nous allons parler avec notre invité Martine Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice générale des bibliothèques, historienne française de l'art. Vous avez participé pendant 35 ans à la constitution de la mémoire de l'Opéra de Paris. Vous êtes aujourd'hui membre du bureau de la Fondation Les Arts Florissants William Christie. Quel curriculum vitae, hein, c'est pas fini. Et vous préparez deux livres sur cette affaire. Le premier sur les lieux du fantôme, à paraître chez Saumois. Le second est une édition critique du texte de Gaston Leroux. Ce Gaston Leroux dont nous allons parler tous les deux, parce que si je puis me permettre, vous êtes l'une des veuves de Gaston Leroux. Oui, absolument. Hein, je me déclare comme étant une des veuves de Gaston Leroux. Martine Kahn, comment en êtes-vous arrivée à vous plonger dans cette affaire de fantôme? On a l'impression que vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite. Je suis tombée dedans quand j'étais plus jeune, en tout cas, à cause du Palais Garnier. Évidemment, c'est l'architecture du Palais Garnier. Le livre de Gaston Leroux, Le fantôme, est un hommage, d'ailleurs, à l'architecture. C'est clair, bien sûr. Garnier. Je suis aussi la veuve Garnier, il faut que vous le sachiez. Enchantée. Et donc, c'est à cause de ce bonheur de travailler dans le Palais Garnier, de cet intérêt pour le personnage aussi de Garnier et la beauté de son œuvre que je suis tombée dans cette histoire de fantôme. Il faut bien savoir aussi que non seulement le fantôme de l'opéra a existé, mais qu'il existe toujours et qu'il y a même plusieurs fantômes à l'opéra. À savoir, mais encore, parce que ce que vous me dites là, je ne vais pas laisser passer. Par exemple, tous les directeurs passés, présents ou futurs d'ailleurs de la maison hantent bien sûr ce bâtiment et la mémoire de ceux qui y travaillent. Quel est votre regard sur la dimension architecturale maintenant, simplement, hein, du Palais Garnier, c'est l'un des plus beaux monuments de Paris. Qu'est-ce qui vous touche dans son architecture ? Alors, dans son architecture, qui est d'un théâtre dans tous ses éléments, dans tous ses détails, ce qui est magnifique, et le fantôme ne parle pendant toute la dernière partie du livre que de cela, c'est sous la terre. La phrase est « Tout ce qui est sous la terre lui appartient ». Ce qui est très étrange. On ne va pas sous la terre parce que c'est le royaume du fantôme. Et en fait, sous la terre, ce que vous ne voyez pas, il y a une architecture magnifique faite de blocs cyclopéens avec des passages, une rotonde centrale et puis le mystère de ce lac que vous apercevez à travers une toute petite grille comme ça. Traditionnellement, on laisse tomber un petit caillou ou une pièce d'un centime dans la grille qui est là. Et le silence se fait et on entend plouf. Et on sait que sous nos pieds s'étend effectivement cette eau qui protège la maison du fantôme. Bien. Alors, on l'aura compris, le fantôme, c'est la mémoire de tous ceux qui ont habité les lieux, qui l'ont fait vivre, les directeurs, les artistes, c'est ça le fantôme. Mais enfin, ça s'appuie quand même, en tout cas à l'époque des faits, l'histoire s'appuie sur une série d'accidents étranges, inexpliqués, surtout sur un contexte particulier, parce que Paris, à la fin du 19e, c'est une atmosphère particulière. C'est quoi ? Le livre est une tresse. C'est une tresse à trois brins. Le premier brin, c'est l'histoire, c'est la narration. C'est cette histoire d'amour entre la belle cantatrice, le beau, noble jeune homme et ce pauvre fantôme qui est si laid et si touchant. Le deuxième brin, c'est le Palais Garnier, son architecture, son histoire. Et le troisième, c'est le temps. Et Gaston Leroux est d'abord et avant tout un journaliste. Vous savez, on dit un journaliste un jour, un journaliste toujours. Oui. Pour lui, c'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Il a été avocat, il est journaliste, très bon journaliste, il a été un des premiers grands reporters. Le pouvoir de la presse est énorme à l'époque, on l'appelle le quatrième pouvoir d'ailleurs. Et la presse commence à recevoir par fil télégraphique des nouvelles du monde entier. Et Leroux va aller sur le terrain, comme les grands reporters de guerre que nous avons aujourd'hui. Mais son temps, c'est aussi... bien l'affaire Dreyfus, dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, à bien votre sûr, antenne. C'est aussi, chez Jean Lebrun, voilà. L'émission précédente. C'est aussi ces attentats anarchistes qui vont ensanglanter Paris. C'est aussi une période qui est une période difficile pour le pouvoir, avec des scandales, par exemple Panama, pour ne citer que cela. Et puis un président MacMahon très controversé. Très controversé aussi. On se relève de cette guerre de 1870 perdue et de la Commune qui a été terrifiant, français contre français. Bien sûr. Ce qui est quand même gravissime. Et donc il y a quand même un climat d'insécurité. Et puis la presse rend compte aussi de toutes ces catastrophes, je dirais avec joie et bonheur. Elle en fait beaucoup. D'abord parce c'est la presse, quoi. C'est la presse, et puis il y a quatre grands journaux, beaucoup de petits journaux, et que chacun veut dépasser en importance son collègue voisin. D'ailleurs, si Gaston Leroux va donner effectivement son fantôme aux Gaulois, c'est parce qu'il a abandonné l'illustration où il a donné ses deux premiers succès. Mmh. Hein, là aussi, le Gaulois a su le séduire pour avoir ce roman. Un titre de presse, hein, le Gaulois, rappelons-le. Oui, un grand journal, en fait. Donc, il y a aussi cet esprit d'émulation dans la presse qui fait que tous les superlatifs sont bienvenus et qu'on rend compte, il y a toujours plus de cadavres. Et puis, il y a des grands incendies, comme le bazar de la Charité, par exemple. Il y a l'opéra, cette affaire du lustre, effectivement. Il y a quand même beaucoup d'incidents de ce genre. Il y a des indices. Bon, puisqu'on est dans un petit peu le surnaturel, puisqu'on parle de fantômes, on peut aussi aller dans le fantasme. Entre fantôme et fantasme, ça se ressemble. Et le fantasme, ça aurait été d'avoir Gaston Leroux ici. Moi, j'aurais adoré l'interviewer parce qu'à travers ce qu'il a écrit, forcément, le bonhomme devait être très fun, quoi. Oh. Qu'est-ce qu'on en sait? Il est absolument sympathique. Et ça, tous ses collègues le disent. Donc, quand vos collègues disent que vous êtes sympathique, c'est vraiment, on peut le croire. Ouais. C'est quelqu'un d'un grand charme, c'est quelqu'un de rond, on le décrit comme rond, on le décrit comme bon vivant, on le décrit comme toujours animé, comme toujours en mouvement, et de fait il voyage énormément. Si sa cantatrice est suédoise, ça a bien une raison, c'est qu'il a été en Suède. Si le jeune homme Raoul est marin et va partir en expédition dans les pôles, c'est parce qu'il a été aussi dans les pays nordiques, donc il suit toute cette actualité. Et puis il aime. En fait, ça se sent aussi à travers cette personnalité, à travers ses livres qui sont très généreux. Il dira à une de ses collègues, journaliste aussi, Séverine, la grande Séverine, « Vous le savez, je vaux mieux que ce que je laisse. » J'aime beaucoup cette phrase. Quand je vous vois et vous entends parler comme ça, Martine Kahn, j'ai envie de dire « Gaston sort de ce corps !» On le retrouvera dans 3 minutes, tiens. Sorry. Bien, à travers le fantôme de l'opéra qu'il existait ou pas, c'est de Gaston Leroux dont nous parlons ensemble, Martin Kahn, finalement. Et puis c'est d'un genre littéraire lié à une époque. En se proclamant auteur et narrateur de sa propre histoire, en affirmant en introduction de son livre que le fantôme a existé, Leroux brise la barrière implicite entre vérité historique et récit fonctionnel. Et ça, c'est un genre qui est prisé par les lecteurs. On aime ça. Tout à fait, c'est une commande. Être ballotté comme ça. Oui, ouais. C'est une commande. Le Gaulois commande à Leroux, qui avait un directeur très très connu à l'époque, Arthur Meyer, qui est un grand directeur de presse, quelqu'un de très malin, comme souvent les directeurs de journaux d'ailleurs. Il commande à Gaston Leroux un roman qui fera trembler les lectrices. Il le dit, hein. L'électorat féminin est très présent dans la commande. Donc c'est un roman feuilleton. Un roman feuilleton dans la presse, hein. Une commande. Ce qu'on appelait à l'époque le feuilleton du rez-de-chaussée, puisque c'était dans la partie basse du journal. Mm-hmm. C'est la première fois que Gaston Leroux, en fait, se sert de son propre personnage comme narrateur. Le narrateur est souvent le détective dans ses romans. C'est la première fois que c'est lui. Il le signe d'ailleurs de ses initiales. GL. GL. Ouais. Et c'est le début d'un genre, bien sûr, du genre policier. On invente à cette époque le personnage du détective et le personnage du policier qui sont complémentaires quelque part. Et Gaston Leroux, le premier, a inventé ce très jeune détective qu'on appelle Rouletabille, qui est lui, en fait. C'est un peu lui quand il était journaliste. Bien sûr. Hein. Bien sûr. On ne se sert jamais que de soi-même. C'est la boîte à outils du romancier. Et donc, il a inventé ce personnage. Mais beaucoup d'autres vont le faire. Maurice Leblanc avec Arsène Lupin. Oui, bien sûr. Par exemple. Et puis Conan Doyle. Hein. Un peu avant Conan Doyle. Un peu avant, oui. Et ce sont des personnages qu'on adore, à tel point d'ailleurs qu'on va les voir au théâtre. Tous ces romans policiers vont être adaptés au théâtre. Ce qui va beaucoup agacer d'ailleurs les vrais policiers. Il y a des réflexions très critiques de membres de la police au plus haut niveau qui disent que c'est insupportable de voir sur la scène ainsi... les policiers, quelquefois ridiculisés, justement, par les détectives, sont quelquefois des amateurs, en plus. Mmh. Le détective amateur est très intéressant. Dans ces détectives amateurs, on va quelquefois voir de jeunes femmes. C'est aussi le début du couple entre le détective et son assistante, vous savez, comme le verra dans les romans américains, notamment. Alors, on va écouter une critique, celle du critique littéraire François Guérif, qui revient sur les enjeux du roman de Gaston Leroux. D'abord, le fantôme est une légende. Hein. Il y a l'histoire de la loge numéro 5, est-ce que c'est vrai, le suicide du machiniste, les petits rats, les petites cantatrices qui ont peur, donc c'est une légende. Et puis après, il y a la voix. Bon, donc déjà, on se dit... Et puis, il y a la matérialisation, et puis il y a le sacrifice. Et je trouve que toute cette gradation est formidable. Ce qui est mis en scène et en jeu, c'est intéressant, c'est que ça s'appelle le fantôme de l'opéra. Et par là, j'ai l'impression que Gaston Leroux dit bien que son héros est Eric, l'homme qui vit dans les catacombes, dans les sous-sols de l'opéra. Et que... contrairement à ce qui se produit à l'époque dans les romans populaires, ça n'est pas le couple qui est Christine et Raoul, c'est-à-dire que la jeune cantatrice et son fiancé qui sont les héros, mais bien cet homme qui a été défiguré par le destin, qui est tombé amoureux de cette cantatrice, qui l'a, tel Pygmalion, qui l'a vraiment formé, qui en a fait un génie du chant, puisque il est clair dans le roman que au début, on dit que c'est une petite cantatrice comme les autres, et quand elle doit remplacer au pied levé la grande cantatrice qui est indisposée, eh bien d'un seul coup, les directeurs de l'opéra découvrent avec surprise qu'elle est géniale. Donc c'est une grande histoire d'amour, c'est une tragédie. En même temps, ce que je trouve aussi assez extraordinaire, c'est comme souvent chez Leroux, il y a tout un aspect documentaire en même temps que fantasmatique, c'est-à-dire que la description au début des sous-sols de l'opéra, des trappes, des souffleurs. C'est-à-dire cette idée complètement cinématographique, d'ailleurs géniale, que vous êtes sur une scène éclairée de lumière et que d'un seul coup la caméra descend et qu'on vous fait découvrir un monde parallèle et souterrain est complètement passionnante. Ah, s'il suffisait d'être journaliste pour être capable d'écrire des romans, trouver des histoires, ce serait formidable. Ça, c'est du fantasme aussi. Ça marche pas pour tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui vient d'être dit? Ça renvoie à ce que vous avez déjà dit aussi. Oui, et un élément supplémentaire qui est la voix. C'est aussi l'époque où on va enregistrer des voix et on va pouvoir réécouter des voix. C'est tout à fait nouveau. Nous avons du mal d'ailleurs à nous imaginer une époque où la voix était uniquement la voix vivante, où il n'y avait pas de voix en boîte, en quelque sorte. Ouais. Et c'est le moment... Et Gaston Leroux le raconte, d'ailleurs, dans son livre, où on va enregistrer, sur des disques de verre, d'ailleurs, la voix de grands chanteurs, et que ces disques vont être murés dans une des caves de l'opéra. Leroux va se servir de ce moment. c'est quand même tout à fait nouveau aussi, ça c'est le progrès. Oui, et le progrès, on va le voir. Alors c'est aussi sa façon de se servir de l'actualité. Vous avez ça. Vous avez aussi la fameuse chambre des supplices dans les dessous où le fantôme va enfermer Raoul et son camarade le persan parti à la recherche de la cantatrice qu'il a enlevée et emmenée dans sa maison. Eh bien cette chambre des supplices, c'est le musée Grévin. Et c'est le palais des mirages du musée Grévin, en fait, là aussi. Et effectivement, c'est ce jeu de miroir tournant qu'on a vu pour la première fois à l'exposition universelle de 1900. Ça aussi, il se sert de l'actualité. Bien sûr. Et une époque qui rend hommage à la voix mérite bien son surnom de belle époque, absolument, je trouve. Finalement, on a l'impression, c'est peut-être d'ailleurs une réalité, que Gaston Leroux fait tout pour qu'on ait envie de croire à cette légende, que ça nous apporte du bonheur. Finalement, c'est pas l'entière liberté qu'il laisse. Il essaie de nous attirer. Allez, ça existait. Non ? Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? J'aime à penser, oui, en tout cas, ça, que en fait, quand oui. il écrivait ses livres, il le croyait lui-même. Donc, ça transpire entre les lignes, quoi. Voilà. Bon. Alors, dans les années 90, l'Opéra de Paris recevait encore chaque année, je crois, plusieurs lettres dans lesquelles des gens du monde entier demandaient des nouvelles du fantôme. C'est vrai, ça ? C'est le moment où le fantôme est devenu viral. Le fantôme est devenu viral, en fait, avec la comédie musicale. C'est ça qui est dans le monde entier. Pas un continent n'a échappé. Pas un pays n'a échappé à cette comédie musicale, très bien faite d'ailleurs, avec une mise en scène très spectaculaire. Et effectivement, j'ai eu entre les mains d'ailleurs, et j'ai laissé à mes successeurs, à la bibliothèque musée de l'Opéra, des lettres où on demandait des nouvelles du fantôme. C'est extraordinaire. Venues du monde entier. Mais au premier degré ? Premier degré, absolument premier degré. La direction de l'Opéra le sait si bien. Maintenant, vous savez qu'on peut visiter l'Opéra, ou du moins... uniquement les endroits visitables, pas sous la terre, le domaine du fantôme, non, mais ce qu'il y a au-dessus et sur la porte de la loge numéro 5. La direction de l'opéra a fait mettre une plaque, très belle plaque, où est écrit « Loge du fantôme ». Formidable. C'est quoi cette histoire en 2007, on aurait déterré sous l'Opéra de Paris des disques gramophones vieux de plus de 100 ans? Ce sont les voix, les voix dont vous parliez tout à l'heure, qui avaient été enterrées, qui maintenant ont été, les disques et le matériel ont été confiés à la Bibliothèque Nationale de France, au département de la phonothèque, qui les a d'ailleurs édités. Bien, et on n'a pas parlé du cinéma, donc j'y reviens. Quand il y a l'exploitation au cinéma de cette histoire, c'est en 1925 avec Lon Chaney. Ça concourt, j'imagine, énormément à la notoriété de l'histoire, non ? Énormément. Ça a été un développement énorme. Le film est magnifique, d'ailleurs, film même magnifique, en noir et blanc, sauf la scène du bal. Du bal masqué, qui est en couleur, c'est une des premières scènes en couleur de l'histoire du cinéma. Il est surtout dans tous les éléments qui se situent sous la terre, justement dans les caves, il est d'une rare poésie noire. Le lac où partent en gondole, en fait, le fantôme et Christine, elle comme une grande virgule dans sa robe blanche, le cheval sur laquelle il... C'est absolument magnifique et très poétique. Vous vous souvenez de la série télévisée en 1965 avec Juliette Gréco, je crois, Paul Crochet, j'en suis sûr. Ça s'appelait Belphégor, c'était un truc un peu kitsch. Mais donc c'était un fantôme au Louvre, hein, c'était pas oui, à l'Opéra. J'imagine que ça s'est directement inspiré de l'imagination de Leroux, non ? Très probablement. C'est le besoin de fantastique. C'est ça en fait, le besoin de fantastique dans des lieux qui nous sont familiers. Oui. Parce que le fantastique est encore beaucoup plus fort, évidemment, dans des lieux familiers. Bien. Martine Gahan, merci infiniment. Vous en êtes où de votre travail là, sur les deux livres que vous préparez ? Je suis en train de terminer cette chose fascinante, qui est la comparaison. Il y a trois versions du fantôme. Il y a le manuscrit, qui est à la Bibliothèque Nationale de France, au département des manuscrits. Il y a le feuilleton et il y a le livre. Et de comparer les trois versions. Bien, ça doit être passionnant, effectivement. Merci, Martine Gahan. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le fantôme de l'opéra, une émission que vous pourrez écouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre, référence et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui.